Un après-midi, comme Jeanne et sa mère se reposaient sur un banc au fond du parc, elles aperçurent tout à coup, au bout de l'allée, un gros prêtre qui s'en venait vers elles. C'était le curé du pays, l'abbé Picot. Il était fort gros, fort rouge et suait à flots. Il était gai, vrai prêtre campagnard, tolérant, bavard et brave homme. Le baron parut. Sa religion panthéiste le laissait indifférent au dogme. Il fut aimable pour l'abbé, qu'il connaissait de loin, et le retint à dîner. Vers le dessert, le prêtre eut une verve de curé en goguette, et tout à coup il s'écria, comme si une idée heureuse lui eût traversé l'esprit. « Mais j'ai un nouveau paroissien qu'il faut que je vous présente, monsieur le vicomte de Lamar. C'est un bien charmant garçon, et si rangé, si paisible. Mais il ne s'amuse guère dans le pays. » Le baron dit, « Amenez-le chez nous, monsieur l'abbé, cela pourra le distraire de temps en temps. » Et on parla d'autre chose.